À l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, des rendez-vous pour le souvenir du président ont eu lieu en Tchèque, en Allemagne, en Espagne, au Myanmar, en Inde, en Thaïlande, au Sri Lanka et en Indonésie. Y ont participé les personnalités et les habitants de divers milieux. Les orateurs ont exalté les exploits du président qui a réalisé l'unité monolithique de toute la société par la politique de vertu et qui a poussé dynamiquement l'édification du socialisme malgré tous les défis des forces alliées impérialistes au cours de sa direction de la révolution. Les rendez-vous tenus en Tchéquie et en Allemagne ont adopté des messages à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.